20h01 sur les ondes de Campus 106,6 FM, DAB, Canal 7C, et puis aussi, campusstyle.com, c'est Pyongyang City Rockers qui recommence pour son 396e numéro. Petit comité ce soir, vu qu'il est réduit à la simple expression de un grand leader, les autres s'étant fait porter pâle, absent ou parti en vacances tout là-bas où l'on creuse. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va s'en tenir ce soir à une petite revue des concerts qui vont avoir lieu dans la semaine qui arrive, donc jusqu'à mardi prochain. Et ben on commence avec ce qui a lieu en ce moment même. Il faut que vous vous pressiez si vous avez envie de voir Tragic Johnson et The Anti-Queens à la brasserie du Singe Savant, au Moulin, à la rue d'Arras, à Lille. Tragic Johnson, ils viennent de Boulogne. J'en ai passé un titre il y a quelques semaines. Et ben donc ça sera les Canadiennes de Anti-Queens qui vont s'y mettre dès maintenant. Les voici avec Bulldozer. Courez-y vite parce que le concert commençait à 19h. Anti-Queens Bulldozer. Yeah. C'était mélodieux, mélodique comme il faut et mignon. On va passer à quelque chose d'un peu plus rentre-dedans et bruyant. La jungle qui vont passer demain à Caplet, ça se trouve à Flaubec, un petit bled entre René et Lessines en Belgique. La jungle, c'est toujours très bien à voir hein, et puis à écouter. Je vous invite donc à vous rendre à Caplet, C-A-P-L-E-2-T-E, à Flaubec, F-L-O-B-E-C-Q. Demain soir, ça coûtera 10 euros l'entrée pour voir cet excellent groupe Noise Transcraft. Avec quand même un petit côté punk qui ne se dément pas. Voici la jungle avec 8 Faces and I Love It. Il a mal à sa gorge. Là où ça risque aussi d'avoir mal à la gorge, c'est tout, pour tous ceux qui vont aller crier au Kids Rhythm and Blues Café à Anvers. C'est un tout petit café et ils ont la riche idée d'inviter DRI, Dirty Rotten Imbeciles, vieux groupe. C'est eux qui ont inventé le crossover trash dans les années 80. Enfin, on dit que c'est eux plutôt qu'ils l'ont rendu célèbre ce style. Donc ils vont passer chez Kids. Je ne sais pas comment les 2000 personnes qui se déclarent intéressés par ce concert sur Facebook vont faire pour se tasser dans le bistrot parce que doit y avoir moins de 100 places. Voilà, en tout cas si vous voulez aller jusqu'à Anvers sur la grande place au Kids Rhythm and Blues Café, vous pourrez voir DRI et puis les voici avec un vieux titre des années 80, Violent Pacification, c'est d'actualité. We'll be right back. Vous écoutez Campus 106,6, il est 20h13, à l'écoute de Pyongyang City Rockers numéro 396. Un petit temps de repos au milieu de cette avalanche de concerts que je vous présente ce soir. Voici un petit titre d'un nouveau groupe qui s'appelle Nuit Blanche. Vous allez peut-être pouvoir reconnaître quelques voix que vous avez déjà entendues dans d'autres circonstances. En tout cas, les voici pour un premier exemplaire de quelque chose qui va sortir sur un album en 2026, comme un rapace, par Nuit Blanche. Nuit Blanche comme un rapace sur Campus, émission Pyongyang City Rockers numéro 396. On reprend nos annonces de concert. Que va-t-il se passer vendredi à Bois Blanc au Tokissi? Il y aura un concert de Ulfi qu'on a déjà écouté maintes fois ici. Et puis sinon, un groupe qui fait du art punk, Frigia. Les voici, Frigia avec Décélération. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'eux? Ouais, leur présentation, c'est en tant que groupe, c'est Smashing Bonkers Songs for the Masses. Bon. Voici un exemple de parole de Frigia. D'avoir gobé trop de bon gaz, je suis tombé en pleine extase, j'ai dû me rendre à la boucherie, là où on bute les vaches en vie. Voici Frigia avec Décélération. We'll be right back. saisir le vent et le café, savoir l'enfant le retrouver. J'engage un cercle de tarifs, l'enfer devant les pissenlits, prendre le temps d'éternité, des patinoires s'amuser, cerner les tendres trottinettes. J'ai dû me rendre à la boucherie, là où on bute les vaches en vie. N'inquiétez pas, c'est une phase, mais attendez que je me rase. J'écrirai en lettres de sang des scélérations, c'est pour maintenant. C'est la réciprocité. Décélération sur Campus, c'est Pion Gangster Rocker que vous écoutez. Et puis maintenant, toujours ce vendredi, qu'est-ce qui va se passer à Cambrai? Ça sera le concert des 2 ans du Gramophone qui fait à la fois bistrot et magasin de disques et d'autres babioles. C'est dans le cadre du week-end ce concert qui va avoir lieu. Donc, c'est dans le cadre du week-end spécial fin des concerts, puisque le voisinage en a décidé ainsi. Et puis le lendemain, ça sera le dernier concert de tous les temps au Gramophone avec Soldier System, reprise de System of a Down. Je vous passe pas ça. Par contre, je vais vous passer un titre de Mal aux yeux qui va donc passer ce vendredi au Gramophone à Cambrai. Voici Asphyxie. C'est sur leur dernier LP DocuFiction qui est sorti fin avril 2025. Mal aux yeux, Asphyxie. We'll be right back. Toujours meilleur, c'est Mal aux yeux. D'ailleurs, ils étaient passés ici en fin 2023 dans les studios de Radio Campus. On avait organisé un petit concert du vendredi soir avec eux. Ça peut se retrouver sur le blog de Pyongyang City Rockers.wordpress.com. Vous cherchez Mal aux yeux, puis bah, vous trouverez. Hein, ça dure, c'est un long concert qui dure facilement 1h10. Et puis, il y a aussi une interview qu'on avait fait avec eux à cette occasion. C'était Mal aux yeux. Maintenant que va-t-il se passer ce samedi? Eh bien, à la Bulle Café, à l'île Moulin, il y aura un concert des Torontois. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit les gens de Toronto. Enfin, les gens de Toronto, donc de Wine Lips, qui font du garage punk un peu teinté de psyché, mais modérément. Et puis, il y aura aussi un jeune groupe pop-punk lillois qui s'appelle Hip Kiss. Ils ont sorti leur premier EP il n'y a pas longtemps. Là. Ça sera donc à la Bulle Café, à la Maison Folie Moulin, ce samedi à partir de 20h, pour 15,60€ en pré-vente et 18€ sur place le soir même. Voici donc un petit bloc avec premièrement Wine Lips qui vont faire Derailer et ensuite il y aura Hip Kiss avec Midnight Sun. Together, I'm ready for another fight in summer. for tomorrow. I'm a do it for what I said. I'm not sure I made it flow. I'm not the only one to care. Watch away the pressure. Et 32 minutes à l'antenne de Radio Campus 106,6 DAB 7C machin et puis aussi campuslille.com. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 396, tiens je le dis à la française cette fois-ci. Maintenant un petit tour à Glasgow, ils ne font pas de concert immédiatement tout de suite, ça sera à la fin du mois sur Bruxelles au Tchaf je crois, puis peut-être ailleurs hein, parce que souvent il y a un parcours fléché dans les salles de la région. En tout cas voici DOS de Glasgow, donc ils font King of the Castle. Don't. C'était DOS à l'antenne de Campus dans Pyongyang City Rockers. On reprend nos annonces de concert ce samedi à la Mulstolo dans le Vieux Lille. Il y aura Black Sheriff, ils viennent de Cologne en Allemagne, mais dedans il y aura un petit peu tout le monde d'anglophones là-dedans. Je crois même qu'il y a un Australien qui joue. Bref, ils font du rock'n'roll assez teinté de punk sur les bords. Black Sheriff seront donc à la Mulstolo, 9 rue des Arts ce samedi à partir de 20h. L'entrée forcément est gratuite. Attention, c'est un peu comme le bistrot dont je parlais en début d'émission, le Kids Riverman Blues Café Anvers. La Mulstolo, c'est tout petit, hein, donc des fois quand on arrive à l'heure dite, et c'est trop tard, il y a déjà plein de monde à l'intérieur et c'est barré, on doit rester sur le trottoir, se prendre la drache et attendre vainement une bière. Voici donc Black Sheriff avec Together. Le concert le plus punk de ce week-end, c'est sans conteste ce qui va se passer au Drakkar à Mons, Belgique, ce dimanche. Sur en effet Groink, Porkenroll, Apocalypse, Punk Premier Prix et Carfucker, punk rustique et breton. Ça sera au Drakkar, 30 rue de la Clé à Mons à partir de 20h. Et pour une entrée gratuite, eh bien voici donc, vous l'attendez tous et toutes, Carfucker avec La Cavale. Yeah. Allez, c'est bon, je pense que vous avez compris. C'était Carfucker avec la cavale. On passe à lundi prochain, 14 juillet. Ça sera la fête au Tchaf à Bruxelles. Il y aura Sextape, non pas Sextape, qu'on avait bien connu ici, groupe de tournée. Là, c'est un groupe de Madrid qui fait du synth garage punk. Et puis, il y aura aussi Jazz VOST. Ils viennent de Paris, ils font du post-punk. Ça sera au Tchaf, Vossen Plaine numéro 20, à partir de 19h. Entrée gratuite. Ça sera donc, ouais, c'est à Bruxelles quand même, hein, c'est pas tout près. Et puis donc voici Sextape avec Colirio. C'était Sextape avec Colirio sur Campus 106,6, Pyongyang City Rockers numéro 396. Eh bien, puisqu'on parle en belge, eh bien, parlons de gantois avec Sextici, c'est la ville dont ils viennent, Gand. Et puis, vous allez pouvoir écouter leur son plein de virtuosité et de noise. Voici Heroine Chic par Sextici. Tenor, looking at my figure, I figure this one out. We'll be right back. Allez, encore un petit concert à annoncer. Ça sera mardi prochain, 15 juillet, au Pizza Courtrai. Il y aura Audio Social. Ils viennent de São Paulo, ils font du 10-bit crust. Et puis, il y aura aussi Critique, les excellents critiques gantois qui font du hardcore punk. Ça sera au Pizza Sintrocuslan numéro 1 à partir de 19h, 10€ l'entrée, comme d'hab. Et puis, bah, voici donc Audio Social qui font Espíritu de Liberdade. We're C'était la belle voix de Anja Huwe de X-Mal Deutschland en Peel Session. C'est un peu un bootleg ce truc-là. Le titre c'était Kval, l'agonie. Et puis bah voilà quoi. C'était enregistré quelque part entre 82 et 85 chez le regretté John Peel. On a encore un petit peu de temps pour passer à un truc qui vient d'Amsterdam. Ça s'appelle Gu, G-U. Et puis ça chante en italien. Les voici avec Destinati alla Matanza. Et 58 minutes sur l'antenne de Campus 106,6. C'est la fin de Pyongyang City Rockers numéro 396. En fond sonore actuellement, c'est Bunny Henrique avec Freedom Fighter. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 397 de Pyongyang City Rockers. Avec normalement un peu plus de monde cette fois. Restez à l'écoute de Campus dans quelques secondes, ça sera Teeth Grinder avec le beau JD. Et ensuite, il y aura plein d'autres belles choses. On se retrouve la semaine prochaine. Et on n'oublie pas All Campus are beautiful.